Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le réseau de lutte contre les violences conjugales du Grand Nancy et le CCN Vallée de Lorraine vous invitent aux conférences et ateliers de danse organisés autour du thème « Corps et consentement ». Cet événement ouvert à tous aura lieu le mardi 21 novembre 2017 au CCN Vallée de Lorraine, aux 3 rues Henri Bazin à Nancy. Le programme de la journée sera composé d'une première table ronde à partir de 14h avec la présence de Mme Christine Pépin, professeure agrégée d'EPS et enseignante à la Faculté des sciences du sport de Nancy, mais également de Mme Amandine Guth, psychologue au service d'aide aux victimes de la police nationale, et enfin Mme Gilberte Bardin, éducatrice à l'Institut des jeunes sourds de Jarville. Cette table ronde sera suivie d'un atelier de danse de 15h15 à 16h15, animé par M. Joris Pérez, artiste chorégraphe intervenant auprès des publics au CCN Vallée de Lorraine. La seconde table ronde débutera à 18h avec la participation de Mme Géraldine Letz, doctorante au Centre de recherche sur les médiations à l'Université de Metz, de Mme Martine Batt, professeure en psychologie à l'Université de Lorraine, et de M. Laurent Marty, médecin légiste et chef de service à l'UMJ au CHU de Nancy. Elle sera suivie d'un second atelier de danse à partir de 19h30 et animé par M. Joris Pérez. Une séance est organisée le matin pour les sections ST2S du lycée Charles de Foucault à Nancy. Cet événement est ouvert à tous avec entrée libre, mais il est conseillé de réserver pour chaque événement. Pour vos réservations, veuillez contacter le CCN Vallée de Lorraine au 03 83 85 69 08. Et pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter le CIDFF de Nancy au 03 83 35 35 87. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.